Bonsoir, bonsoir Jean-François Lusignan avec vous pour l'émission Le Terminus en ce vendredi 31 mai. Ce soir, eh bien, on est de retour ce soir après une semaine de pause. La semaine dernière, c'était la diffusion du festival Artefact en direct de Valleyfield. Donc, on est de retour ce soir avec beaucoup de nouveautés qui sont parues depuis la dernière émission. On va avoir également, dans le dernier quart de l'émission, un espèce de spécial indie pop là, du début des années 90. Mais on commence avec trois nouveautés. On commence avec Gremlin, qui est le projet solo du Californien Woodoo Park. Son premier album va sortir le 4 juin prochain sur Car Park Records. Il s'appelle Empire, cet album-là. On écoute tout de suite la chanson Do You Know How It Feels? Vous êtes sur les ondes de CISM, le 89.3. Yeah. That's Eating Me de la formation de Brooklyn Aye Nako, qui lançait la semaine dernière son premier album Unleash Yourself gratuitement sur le site internet du groupe. Je crois que c'est ayenako.com, quelque chose comme ça. Et ça marque une espèce de progression par rapport aux démos qu'ils ont lancées il y a deux ans, sur lesquelles il y avait certaines chansons qu'on retrouve sur le nouvel album. Mais donc, ce qui fait tout simplement la différence entre un démo et un album complet, c'est les meilleurs moyens et la meilleure production donc de ce premier album de Aye Nako. Avant ça, c'était les Irlandais de Bouts avec Get Sick. Et sur leur page Bandcamp, les gars indiquent, ils précisent en fait que cet album-là a été produit sans aucun clavier. Donc, on est prévenu, pas de clavier sur la musique de Bouts, seulement du rock pur avec des guitares et basses et batteries. On va continuer maintenant avec Teen, qui déjà revient avec du nouveau matériel après le premier album In Limbo qui est sorti l'année dernière. Il arrive maintenant avec un EP qui est sorti cette semaine, EP qui s'appelle Carolina. On écoute la chanson qui clôt ce EP-là et ça s'appelle Paradise. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. We'll be right back. C'était la formation de Vancouver Ready Made avec Under the Network. Ça se retrouve sur leur album All the Plans Resting qui est sorti sur Where Are My Recordings, label Lavalois. Il semble pas se passer grand-chose du côté de Ready Made, à moins que, ben en fait, ils sont pas vraiment non plus très présents sur les réseaux sociaux. Habituellement, c'est un signe que le groupe n'existe plus. Peut-être que je suis juste pas super habile pour trouver des infos sur eux. Alors, si vous en avez, vous pouvez les envoyer à mon attention à la station. Et si vous voulez trouver d'ailleurs la liste des chansons qui jouent pendant l'émission, ça va se retrouver dans quelques minutes après la fin sur CISM893.ca. Et le segment, en fait, le combo que vous venez d'entendre, ça avait débuté ça avec Teen et la chanson Paradise. On va continuer maintenant avec un duo francophone. On va débuter avec Florence, la chanson Novlangue. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM, le 89.3. Pipe est ben correct, me faire teindre les cheveux en blond, m'en faire faire une permanente comme Nickelback, prendre ma voix la plus grave, m'en chanter mes émotions avec ma guette sans distorsion. Nickelback, comme Nickelback. Sont contents, le drummer est content, le bassman est content, tout le monde est content dans l'aréna. On se rappelle nos après-midi au gym, on jase de nos bails, on jase de nos chars, on jase des stéroïdes ensemble. On écoute Nickelback, on écoute Nickelback, comme Nickelback. C'était l'hommage à Chad Kroeger et sa bande Nickelback de Joe Vocca, qui est la rencontre de Joël Martel, qu'on connaît surtout comme étant comme journaliste et également comme Martel Solo. Donc la rencontre Martel Solo et de Pascal Bocca-Beaulieu. Donc ça donne un album qui s'appelle Repartir à 02, qui est sorti l'année dernière, qui est disponible sur le Bandcamp du label La Main Rouge. Donc, lamainrouge.bandcamp.com pour télécharger gratuitement ou compte contribution volontaire cet album-là. On va continuer avec maintenant les Australiens de Deadheads qui disent faire du hippie grunge. Leur album This Is What's Happening in Sydney est disponible également sur leur Bandcamp. On écoute tout de suite sur les ondes de CISM la chanson When I'm Dead de Deadheads. Heads. We'll be right back. Vous écoutez toujours l'émission Le Terminus jusqu'à 22h et vous venez d'entendre la chanson Call de Polar Ice Cap, une formation de Philadelphie qui est sortie de façon complètement indépendante son premier album State Lines au début du mois de mai, c'est ça, on est en mai encore. Il s'était précédé de la différente formation Pretty Girls Make Graves avec The Magic Hour. On va maintenant continuer, comme je le disais en début d'émission, avec un segment indie pop là, slash indie rock des années 90. En fait, du début des années 90, vous allez entendre du Tiger Trap, Papas Fritas. Mais pour commencer, ça va être le groupe anglais dont on dit qu'il y a une espèce de lien entre la musique des Smiths des années 80 et la musique de Belle and Sebastian du milieu des années 90. Il s'appelle The Field Mice et ils auront donné 3 albums seulement. En fait, 3 albums, c'est quand même bien, mais en seulement 3 années d'existence. Et leur dernier album qui s'appelle Where Do You Learn to Kiss That Way est vraiment là, ce dont on dit, donc le lien entre Belle and Sebastian et The Smiths. C'est le fois de constater avec la chanson qu'on écoute à l'instant, Emma's House de Field Mice sur les ondes de CISM. The passion play. today. I want you here to say, later days I'll give you 7 days. Passing place, she's afraid, can't make no beer from hay. We'll be right back. californien de Tiger Trap avec Chester, une chanson qui se retrouve sur leur seul et unique album paru en 93, l'album Tiger Trap. Et avant ça, il y avait également, c'est vrai, la musique de Papas Fritas, c'est ça, et la chanson Passion Play. Et il y avait également un début de segment de Field Mice avec Emma's House. Et tout ça, ça faisait ensemble une espèce de spécial indie pop du début des années 90. On va maintenant, on a une dernière chanson qu'on va entendre avant de se quitter. Ça va être la chanson Left Way puis Groove, mon minou, de la compilation Lâche et Lousse, compilation de rock indépendant québécois sorti en 91. Et ça, c'est le deuxième volume, donc sorti en 91. Il y avait un premier volume en 90. C'est la formation Slam Corrida, donc. Et reste à l'écoute dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui s'en vient avec la MyFi. Je crois qu'il y a une invitée même ce soir avec lui, donc soyez-y. Sinon, liste des chansons qui ont joué pendant l'émission, ça se retrouve sur le CISM893.ca. Également les archives de l'émission leterminus.ca. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Ciao!